mais vous ne savez pas comment. Vous ne savez pas comment le faire, ni où, ni, où, ni chez le bon endroit. Donc, venez au week-end de rencontre internationale No Border. Alors, samedi 25 mai à l'Allée du Cail, c'est 53 avenue du Port à Mille-Bruxelles. Il y aura à partir de 10h un accueil des participants belges et de militants de Calais, Paris, Allemagne, Grande-Bretagne et Grèce. À partir de 10h30, vous aurez des actions globales et locales, différentes expériences des militants présentes autour de comment s'organise la lutte contre les frontières et pour la liberté de circulation. À 12h, il y aura une pause. Je pense que c'est une pause repas. Oui, c'est un repas par collecte actif qui sont aussi contre les frontières. Voilà. À 13h30, comment s'organiser, quelles sont les tactiques, lieux autogérés, actions directes, campagne, comment le mouvement No Border s'inscrit dans nos luttes. Quelle réponse contre les mouvements militants? 15h30, encore une pause, c'est la pause thé. Ouais, c'est important. Tea time. C'est important. Oui, je ne dis pas que ce n'est pas important. Non, mais c'est bien. Sinon, c'est une longue journée. Ouais. 16h, ouais. Comment créer des liens entre les différentes formes de lutte? Un border camp, c'est quoi? 17h30, conclusion, tour de table, projet commun, programme du dimanche 26. À 19h, repas contre les frontières par collecte actif encore. Ils font midi et soir? Oui, mais midi, c'est juste un petit repas, une soupe avec du pain. Le soir, c'est un vrai repas. D'accord. Et de 10h à 19h, il y aura des activités qui sont prévues pour les enfants. Donc, vous pouvez venir avec tous vos enfants. De toutes les âges. De tous les âges. Et il y aura plein d'activités qui seront prévues. Oui. Alors, à 20h, là, il y a un petit couac, mais il y a quand même une soirée de soutien à No Border, en soutien à Getting the Voice Out, à la CRER et à tous les collectifs No Border. Normalement, avec des concerts, info kiosque, sérigraphie et t-shirts. Il faut que vous emmeniez vos t-shirts. Et ça devrait se passer normalement au Barloc. Alors, c'est 53 bis avenue du Port à Mille-Bruxelles, mais... On a eu aujourd'hui une nouvelle que la police a fermé la salle de concert et le bar de Barloc. Donc on est à la recherche avec le collectif qui organise la soirée est à la recherche d'une autre salle et pour l'instant on n'a pas encore trouvé. Donc, si vous avez accès à une grande salle et si vous avez contact direct de quelqu'un, c'est assez urgent. Et alors, on peut encore organiser samedi soir autre part. Mais donc, oui, je n'ai pas encore eu de nouveaux. Ouais, je ne sais pas comment nous laisser savoir, mais il y a quand même le site de Getting the Voice Out où il y a aussi un numéro de téléphone dessus. Donc il y a moyen de communiquer via le Rise Up, le mail Rise Up de Getting the Voice Out aussi, pour dire si vous avez trouvé une salle ou si vous avez des occasions ou des contacts à donner pour qu'ils trouvent une autre salle. Ouais. Il n'y a pas moyen de faire ça le long du canal, à l'air libre. Où ça ? Il fera beau ce week-end. Pas dans les bâtiments, mais à l'extérieur. Ah oui, mais à l'extérieur. Oui, mais apparemment, il y a déjà un autre événement qui est prévu juste à côté de l'Allée du Cail, des Inzineries. C'est un autre hangar où il y a plutôt des trucs de skate, park et tout ça. Eux, ils ont déjà prévu un événement de 2h à 10h à l'extérieur à l'Allée du Cail, la Inzinerie. Mais aussi un moyen de se collaborer, je pensais déjà, tu vois, sinon, si on ne trouve pas vraiment d'autres lieux, on peut peut-être se collaborer et faire passer la soirée là-bas, mais c'est juste que 22h et pas plus. Ah, ouais. Ok, parce que normalement, le concert, il commence à 20h. Ouais, 20h30, ouais. Ouais, 20h30, ouais. Ouais. En tout cas, je pense, si nos auditeurs veulent rester au courant, c'est bien de garder à l'œil une immédiate à Bruxelles. Oui, si. Ouais. Parce que d'ici, il y a une solution, ça sera publié là-dessus, je pense. Oui, oui. Mais malheureusement aussi Facebook. Ne regardez pas sur Facebook, mais sur une immédiate à Bruxelles, donc. Oui, mais les gens, ils sont plus connectés sur Facebook. Et c'est non, plus non, facile non, pour... mais c'est, sur une immédiate, ça serait aussi annoncé, certainement. Donc, il faut rester sur les bons... réseau de confiance. On espère, parce qu'il y a quand même quelques groupes, je pense, intéressants, comme Les Portes qui claquent, c'est du rock punk. La Marmite, c'est de l'électro-punk. Le Club de Routy, qui est du rap politique. Atome d'Intifada, du rap politique aussi, et des DJ No Border. Voilà. Oui, aussi La Marmite, donc c'est aussi électro-punk d'Aretch. Oui, j'ai mis La Marmite. Ah oui, okay, je l'ai dit, d'accord, La Marmite. C'était électro-punk, voilà. Et le DJ, c'était aussi DJ Joe Selector. Et, ah oui. Ouais. Et encore une DJette électro. Voilà, donc on espère quand même que cette soirée pourra... C'est vraiment malheureux. Cette soirée pourra se tenir avec tous ces groupes qui sont disponibles pour venir animer cette soirée. Ouais. Ok, donc on croise les doigts. Je dis pas qu'on prie le bon Dieu parce qu'on n'est pas de ce truc-là, mais on croise les doigts. Voilà. Donc, juste être motivé, je recherche et voilà. D'accord. Tout le monde. Alors dimanche 26 mai. Le dimanche 26 mai, donc ça commence qu'à 12h30. Donc il y a un atelier qui s'appelle Comment lutter contre les expulsions. Alors il y a eu une campagne Bruxelles Airlines Stop Deportation qui vient d'être lancée. Et au-delà de sensibiliser les gens au fait que la compagnie se rend complice des politiques meurtrières du gouvernement, il s'agit aussi de mettre en œuvre des actions concrètes pour cesser les expulsions. Parmi celles-ci, les mobilisations à l'aéroport. Lorsqu'ils sont avertis d'une expulsion, des collectifs lancent fréquemment l'alerte et appellent les gens à se rendre aux aéroports afin d'appeler les passagers à réagir, ou les passagères, ou dans l'avion ou carrément dans le hall. Et ces actions sont absolument nécessaires, peu risquées et fonctionnent parfois. Mais concrètement, comment on fait? Il n'est pas toujours facile de s'y rendre seul et surtout de savoir quels mots utiliser vis-à-vis des passagers, comment se comporter dans l'aéroport. Alors le 19 mai, donc à partir des 12h30, il y aura moyen de... Le 26 mai à partir de 12h30, de discuter concrètement des démarches à suivre pour stopper une expulsion. L'occasion aussi de rencontrer d'autres militants belges et internationaux mobilisés sur les expulsions et créer un binôme ou un groupe afin d'agir ensemble pour stopper ce système répressif. Alors on vous demande aussi d'amener de quoi grignoter et les enfants sont bienvenus. Mmh. Voilà, parce qu'il n'y aura pas de repas prévu ce jour-là. Cet atelier aura lieu à la JT, 114 rue Gaucheret, à 1000 Bruxelles. Non, pas 1000, 1030. Ouais. Non, c'est encore Bruxelles, je pense. C'est encore à Bruxelles ? Ouais. À la Mune Gaucheret, je ne sais pas. Ouais. C'est pas à Scarbeck ? Juste pas, je pense. Je ne sais pas. En tout cas, c'est à l'avenue rue Gaucheret, vous regarderez sur la plan. C'est pas sur Facebook. C'est parc Gaucheret, même. Je pense que c'est encore... Il y a tout le truc des communes qui se sont l'un voisin à l'autre. Donc ça, c'est le 26 mai. À 18h30, il y aura une soirée projection contre les frontières qui se passe à la Poissonnerie à Scarbeck, 214 rue du Progrès. Et ça, c'est près de la gare du Nord. Donc le week-end de border va s'achever par un moment convivial avec différentes projections sur les frontières, les expulsions, les politiques migratoires et les moyens de résistance. Il y aura une discussion qui sera proposée après la projection avec un repas à prix libre. Alors parmi les films projetés, vous aurez « À l'usage des vivants ». Alors fuyant le Nigeria, Semira Adamou est arrivée en Belgique en 98, détenue dans un centre fermé proche de l'aéroport de Bruxelles. Elle meurt étouffée par un coussin lors d'une sixième tentative de rapatriement forcé. 20 ans après, Pauline Fonsny remet en scène cet assassinat d'État qui avait secoué le plat pays et conduit à la démission du ministre de l'Intérieur de l'époque. Au terme de cette puissante évocation documentaire, le constat est amer. Les barbelés de la honte se sont multipliés. Des policiers peuvent ouvrir le feu sur une camionnette transportant des exilés et tuer une fillette de 2 ans sans être inquiétés. Le deuxième documentaire, c'est « Il était une fois Picpa », dans le camp de Picpa, sur l'île de Lesvos. Citoyens grecs et exilés partagent un fragment de vie fragile entre un avant bousculé et un avenir incertain. Ensemble, ils inventent un présent. Et puis, le troisième documentaire, c'est « Ce sont des hommes ». Calais de juin à octobre 2009, du camp No Border à l'éviction de derniers squats et jingles des migrants. ateliers, questionnements, rencontres avec des militants et des migrants en transit vers l'Angleterre, manifestations, remise en cause des problématiques liées aux frontières, violences policières, parcours des migrants, enjeux politiques, économiques et humains. Voilà, donc vous avez quoi passer votre soirée avec plein de questionnements. Ouais, et plein de réponses, projection. Peut-être. Ouais. Voilà. Alors, les enfants sont également bienvenus. Ouais. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour le week-end qui va se préparer samedi et dimanche. Entre autres. L'occasion de ça, oui, on voulait quand même faire une émission ce soir là-dessus, oui. Sur qu'est-ce que c'est le mouvement No Border. Donc on va déjà introduire un peu le week-end. Mais je ne sais pas si on veut quand même encore parler des actions qui ont eu lieu récemment. À Paris ? À Paris, mais aussi à Bruxelles. Donc à Bruxelles, donc c'est un peu en lien, je pense, avec des tactiques ou des actions qui ont été faites déjà pendant plusieurs années dans des groupes qui sont peut-être qui se luttent contre les frontières. Et donc c'est les campagnes ou des actions contre les déportations. Et donc récemment à Bruxelles, il y a une occupation qui a eu lieu dans le siège de Brussels Airlines. Un lundi matin pour aussi dénoncer que Brussels Airlines ils collaborent avec l'État belge pour faire des expulsions et des déportations, et selon la loi ils sont vraiment pas du tout obligés, donc c'est sur base volontaire qu'ils collaborent, mais c'est vraiment des actions qu'on voit le réseau No Border qui existe déjà depuis 99 qui ont eu lieu pendant des années, des années, des années. Et apparemment, les compagnies aériennes n'ont toujours pas compris qu'ils sont complices vraiment à un système super répressif, violent et corrupt. Et donc, que vraiment, une grosse partie quand même de la population n'est pas d'accord avec ça. Une semaine après, il y a eu des groupes autonomes organisés des personnes sans papier qui ont fait aussi une action à Paris. Voilà, et ça s'appelle, il s'appelle les Gilets Noirs. Ouais. Donc c'est un groupe, c'est un très grand mouvement de sans-papiers en France qui viennent en fait d'un collectif qui s'appelle la Chapelle Debout. C'était suite à l'occupation de plein de migrants à la porte de la chapelle qui vivaient sous des tentes dans des conditions absolument lamentables. Et donc ils essayent de se mobiliser. Ils ont fait plein d'actions en janvier, le 23 février 2019, il y a des habitants de 43 foyers franciliens et des locataires de la rue en lutte qui complotent. Daïk Kité, membre du collectif de la Chapelle Debout, alors qui raconte « On s'est levé, on a quitté nos activités quotidiennes, on s'est levé ». Nous, les Gilets Noirs, nous sommes le plus grand mouvement des sans-papiers aujourd'hui en France. Le gouvernement français sait qu'on existe, il sait qu'on est là et qu'on se mobilise, mais il ne sait toujours pas de quoi on est capable. On a commencé le 23 novembre 2018, c'était au musée de l'immigration. On était entre 300 et 400 personnes. On a continué à mobiliser les gens jusqu'au 16 décembre, où on a fait une action d'occupation à la Comédie-Française. Et ce jour-là, on était 720 personnes, ce qui était quand même pas mal. On a ouvert la porte de la préfecture pour négocier. Le 31 janvier, nous étions 1500 pour accompagner la délégation. Les chefs n'ont pas tenu parole. Nous vous recevons tous les mois, on attend toujours. On avait demandé l'arrêt des déportations et Abou, Amadou, Samba, Timera, Iman, Hicham ont été expulsés de force en Espagne, en Italie, au Soudan et au Maroc, sous couvert de Dublin, d'accords bilatéraux, pas par pur simple acharnement, policiers, judiciaires, médicales, racistes. Nous nous sommes organisés pour que beaucoup puissent revenir et que chacun et chacune fasse revenir ou venir nos parents, nos enfants, nos femmes et nos hommes, nos amis et tous les nôtres. À la préfecture de Paris, cité, les méprisants, méprisantes n'ont pas cessé de nous dire « on ne peut pas, ce n'est pas notre responsabilité, pas notre compétence, il manque ce papier. On parlera à vos chefs alors !» Nous appelons donc toutes les forces en France, en Europe ou ailleurs à soutenir cette campagne contre la peur et la honte pour l'égalité, la dignité, la justice et leur déclinaison concrète, pour recommencer à gagner parce que nous avons tout et trop perdu, pour arrêter de déplorer et parce qu'il faut faire, pour ne plus attendre, parce que nous sommes ici et que nous sommes partout, papier pour tous et pour toutes. Alors il y a eu une action à l'aéroport de Roissy, non, à l'aéroport de... Oui, c'est Roissy-Charles de Gaulle. Oui. Excusez-moi, mais il faut que je mette mes lunettes, j'enlève mes lunettes parce que c'est écrit tout petit. Alors ce lieu est avant tout une frontière, sans murs ni barbelés, pourtant elle marque des coups, des corps. Pour certains, Roissy est simplement un lieu de passage et de consommation. Celles et ceux pour qui cela est facile sont une minorité venant du monde bourgeois et ou blanc. C'est ce monde qui colonise et fait la guerre. L'entrée de leur forteresse, c'est l'aéroport. Elle est bien gardée par des militaires, des policiers, des caméras. Dans ce lieu, on trouve beaucoup des nôtres. Pourtant, on ne veut pas nous voir par ici. Nous sommes cachés ou enfermés derrière un rideau dans l'avion ou en sous-sol tout près du terminal 2 en zone d'attente pour personnes en instance de déportation ou dans le sous-sol de l'hôtel 4 étoiles Ibis, juste là avec la bénédiction du groupe Accor. Ce lieu incarne le racisme à l'échelle de la planète. Les premiers passent en montant seulement les bons papiers. Les derniers y sont menacés, menottés, bâillonnés, insultés par la police. Aux frontières, dans les antichambres de l'aérogare. C'est de Roissy qu'on a déporté des Afghans et des Afghanes à coups de poing à Kaboul, en même temps qu'on éteignait la tour Eiffel en hommage aux victimes occidentales du quartier diplomatique des attentats à Kaboul le 31 mai 2017. Nous sommes ici parce que cet aéroport appartient à celles et à ceux qui en astiquent les toilettes toute la journée, qui emballent et transportent les valises des usagers au passeport rouge. Nous sommes venus nous libérer comme certains et certaines s'évadèrent ces derniers mois des prisons pour étrangers et étrangères de Rennes, d'Andaï ou de Ménil-Amelot. Nous sommes ici parce qu'on a trouvé le corps congelé d'un fils de 15 ans tombé d'un train d'atterrissage le 8 avril 2013. C'est bien avant leur crise migratoire qui justifie un peu plus chaque jour leur crime. Il n'a pas de nom pour celles et ceux qui déportent, il porte celui de toutes les nôtres. Nous sommes ici pour que les nôtres n'aient plus à s'automutiler ou se suicider pour empêcher certains flics de s'offrir des vacances avec des miles Air France, marre du mitard, des somnifères, des casques en mousse et des menottes. Gloire à tous ceux et à celles qui sont redescendus de l'avion, quels que soient les moyens employés, du cri à la rébellion physique en passant par la ruse. Merci à toutes celles et ceux qui refusèrent de s'asseoir, aux pilotes qui refusèrent de décoller, aux gens d'escale qui nous donnent des informations, on déporte sur ce vol. 25 centres de rétention en France, plus de 1000 personnes déportées en 2018 depuis le seul centre de rétention de Ménil-Amelot, juste à côté d'ici, stop. Vaincre la peur en venant ici, sans alias, sans uniforme de travail, c'est la première victoire. Vaincre la peur de cette frontière, c'est d'organiser contre tous ceux et toutes celles qui déportent, et en premier lieu, saboter la collaboration d'Air France, celle qui, de toutes les compagnies aériennes complices, est la partenaire officielle de l'État français. Elle orchestre le grand bal des collaborations de Qatar Airways, d'Ethiopian Airways et de Turkish Airlines. À Air France, déportateur officiel de l'État français, et à ADP, son chien de garde. Nous dénonçons votre collaboration avec les pratiques de l'État et le commerce qu'elle vous rapporte. Nous dénonçons les pressions exercées sur votre personnel et celles exercées sur les passagers et passagères qui s'opposent aux déportations. Toutes celles et ceux débarqués des avions, menacés de poursuites ou contraintes, à racheter des billets. Nous dénonçons votre rôle d'auxiliaire de la police et de la justice européenne. Nous déclarons que vous comptez parmi les responsables de la traite de vie non blanche, de leur gestion comme des flux. Vous êtes co-responsable du meurtre de A par la police aux frontières, des blessures et de l'enfermement de M, de la torture de M piqué pour qu'il s'endorme et ne proteste pas, de tentatives de meurtre pour avoir laissé M être déporté, alors qu'il avait ingéré des lames de rasoir. Nous demandons à parler aux responsables d'Air France pour stopper toute participation financière, matérielle, logistique ou politique aux déportations, stopper sa politique de représailles et ou de pression envers le personnel de bord qui refuse d'embarquer une personne menacée de déportation. L'aéroport, ça nous effraie, ça nous rend fous et folles, ça nous nourrit aussi, l'aéroport, ça nous tient. En charter, c'est nos frères qu'ils jartèrent, rapatriement et maintenant la haine coule dans nos artères, les gilets noirs en lutte. Voilà, et alors ça c'est un appel suite à une action qui a été faite justement par plein d'Africains à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, c'était le 19 mai, c'est ça ? Oui, c'était le lundi. Oui, le 19 mai. Donc c'était 200 personnes sans papier, voilà. Paris, oui. J'appelle debout. Mais voilà, juste pour dire, c'est pas que Air France, c'est toutes les compagnies aériennes qui sont coupables. Hein. Donc c'est oui, même là, pas c'est... que Brussels Airlines en Belgique, c'est Turkish Airlines, c'est plein de compagnies qui continuent. Même il y a eu des compagnies qui sont arrêtées à certains moments, mais qui continuent quand même à faire. Donc c'est vraiment lamentable qu'ils continuent à collaborer. Et selon la loi, ils peuvent vraiment, ils sont pas obligés du tout. Donc c'est pas qu'ils sont, ils sont dans libre choix. Les compagnies. Oui, les compagnies aériennes. Oui. Ouais. Et donc pour ceux qui, celles qui sont ont envie de faire des actions en Belgique, donc il y a un site qui a été créé. Donc c'était brusselstopdeportations.net. Donc c'est pour continuer la compagnie contre Brussels Airlines.

c'est un peu normal aussi parce que les idées sont venues un peu au même moment, à la même époque, dans différents pays, dans différents endroits. On se souvient bien sûr de 1998 en Belgique, où avec l'assassinat de Simira Adamou, toute la problématique des centres fermés, les expulsions et tout le racisme autour, c'est vraiment venu à la lumière. Il y a des gens qui ont commencé à s'engager, des groupes d'action, etc. Mais c'était déjà le cas, par exemple, en Allemagne, où le mouvement antiraciste est très fort, et il est depuis très longtemps, et où à ce moment-là, il faut savoir, par exemple, que la Pologne n'était pas encore dans l'Union européenne. Mmh. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui avaient du mal à passer la frontière entre la Pologne et l'Allemagne. C'était une frontière très dure. Et donc, il y a eu des camps qui ont été organisés près des frontières. Il y a eu un sommet à Tampere, en Finlande, fin des années 90, où on parlait aussi à un moment de migration ou de politique de migration. Et donc, des groupes un peu différents, de différents pays, en fait, ont eu l'occasion de se croiser à l'occasion des camps No Border. Et donc, tout le monde a toujours été libre de se mettre l'étiquette No Border, mais ça a toujours couvert des initiatives bien, bien différentes, et d'un lieu à l'autre, ou de luttes bien différentes. Et bon, aussi hors d'Europe, oui. Oui, d'Europe. Bon, il y a aussi des initiatives, notamment autour de la frontière entre la Mexique, le Mexique et les États-Unis, aussi avec tous les scandales avec l'Australie qui a extériorisé en fait leur centre fermé dans d'autres pays ou dans des îles pour essayer que les gens n'arrivent surtout pas. Et bon, avec l'arrivée d'Internet, par exemple, tous les mouvements qui se sont organisés autour des contre-sommets, tout ça, c'est la fin des années 90. Hein. Voilà, ça veut dire qu'il y a des réseaux internationaux qui sont créés autour des camps No Border. Parce que bon, il y a des gens qui se croisent dans les camps No Border, mais ça devient un réseau, ça devient des réseaux. Et en plus, il y a plusieurs générations. Il y a des initiatives No Border, il y a des gens qui s'occupent, enfin, des groupes qui sont très impliqués pendant quelques années, puis à un moment, qui disparaissent un peu, et puis il y a d'autres qui reprennent. Et donc, c'est vraiment une nébuleuse, No Border, dans ce sens. Mais il y a quand même un vrai contenu, c'est-à-dire une résistance directe contre le régime de détention, contre la politique, mais contre les différentes politiques migratoires. Anticapitaliste. Ce n'est pas un mouvement anarchiste. En tout cas, ce n'était pas ça vraiment du tout au début. Mais disons que c'est vraiment une critique des frontières. Bien sûr, ça touche à l'État-nation. Ça fait réfléchir les gens à plein d'autres choses. Oui. Parce qu'ici, sur... pour les gens qui s'intéressent à un certain moment, il y a créé même un site de réseau No Border, noborder.org en 99, où ils essayent d'expliquer un peu tout ça, qu'est-ce que c'était le réseau et pourquoi ils ont eu la nécessité de créer cette site web, qu'il existe encore, cette site web. Donc là, tu peux retrouver un peu l'historique. Et c'est vrai qu'ils disent que c'est vraiment qu'ils luttent contre toutes les formes d'exploitation et de division en travaillant ensemble pour créer des nouvelles formes de collaboration, de résistance, que l'objectif c'est de créer une plateforme d'échange d'informations, d'expériences entre les groupes et les individus impliqués dans différentes luttes politiques avec une perspective anticapitaliste émancipatrice, et qui visons aussi également à travailler avec des groupes de migrants autogarinisés. Donc aussi pour clarifier que, parce que souvent on oublie ça, on voit souvent des corner border où il y a plein d'activistes européens qui sont présentes, mais qu'on oublie un peu que c'est aussi en lien avec des groupes de migrants auto-organisés et des groupes autonomes sans papier et tout ça aussi. Et donc, leur but, c'était vraiment, l'objectif, c'était d'interconnecter des personnes travaillant à partir des différentes pratiques politiques et des expériences régionales différentes. Donc, c'est vrai que c'était cette nécessité de lier plein d'initiatives dans le monde entier contre cette politique migratoire. Ouais. Mais oui, et donc apparemment, c'est ce sommet à Tampere qui a quand même fait qu'il y a eu une réunion en 99 à Amsterdam qui a relié un peu tout le monde pour s'organiser contre ce sommet à Tampere en Finlande, où il y avait apparemment un traité d'Amsterdam qui était oui, tout à cette sommet-là. Donc en 97, il y a le traité d'Amsterdam, donc il y a un grand sommet à Amsterdam. C'était sur le continent européen un peu la première fois qu'il y avait un contre-sommet contre un sommet européen. Après, ça s'est beaucoup répété. C'était un mouvement qui se disait à ce moment-là anti-globaliste. Qui, parfois, après, on a changé un peu en altermondialiste et tout ça, mais c'était un mouvement très anticapitaliste, hyper critique. Donc il y a eu plein d'actions en 97 à Amsterdam. Et ça a été un peu un début de rencontres d'activistes de plusieurs pays aussi. Des gens qui étaient prêts à bouger, d'aller dans un autre pays pour rencontrer des autres. Oui, parce que ça touchait les traités européens, c'est parce que c'était pas un truc... Oui. Là, concrètement, c'est un truc européen. Mmh. Mais bon, dans plein d'autres contextes, il y a eu ce genre d'initiative aussi. Hein. Mais là, concrètement, à Tampere, on parlait du traité d'Amsterdam de 97. Oui. Mmh. Et apparemment, ça, c'était sous le slogan que cette sommet, que ça signifie, en fait, plus de contrôle, plus d'exclusion et plus de déportation. Et que c'est sous ce slogan, apparemment, qu'il y a 8 pays différents de l'Union européenne, à ce moment-là, qui se sont liés pour faire plein de manifestations, des actions à ce moment-là. Il faut aussi savoir, c'est un moment où l'Union européenne commence à intégrer des pays de l'Est en Europe. Tu vois? Et là, il y a eu beaucoup de craintes par rapport aux frontières et ci et ça. Donc, il y avait déjà à l'intérieur de l'Europe, on essayait plus ou moins d'abolir des frontières, hein, surtout pour le capital et le commerce, bien sûr, pas forcément pour les personnes. Et le fait d'aller. D'essayer d'intégrer la Pologne ou des pays de l'Europe centrale, les ex-pays communistes, Ukraine et tout ça, ça faisait peur, disons. Donc c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à penser des régimes frontalières. Par après, ça va devenir Frontex. Tu vois, des régimes où il faut renforcer les frontières autour de l'Union européenne. Ouais. Et surtout puisqu'on va intégrer des pays pauvres. Et donc à ce moment-là, ça accélère en fait les dynamiques, la politique migratoire européenne, qui était avant surtout nationale, devient plus européenne à ce moment-là. Ouais, parce que je me souviens pas très bien, mais Frontex s'est quand même aussi créé assez tôt, en Pologne, à Varsovie. C'est 2004 ou... Peut-être oui, mais Frontex n'existait pas encore fin des années 90, mais c'est à ce moment-là que... Je ne sais plus quand la Pologne a été intégrée. Je pense que c'était en 2002, je ne m'en souviens pas. Tchéquie et puis tous les autres pays de l'Est qui vont entrer en Union européenne. Et du coup, on veut installer un régime européen de protection des frontières. La forteresse Europe, en fait, est née à ce moment-là. Ouais. Je ne sais pas si tu voulais quand même dire encore quelque chose en Allemagne, parce qu'apparemment, en Allemagne, il y a eu des activistes de personnes nées illégales, des autonomes et des groupes antifascistes en Saxe-Orientale, qui ont appelé pour la première fois pour un camp d'action aux frontières entre l'Allemagne et la Pologne. Donc il y a eu environ 300 personnes de l'Est et de l'Ouest qui ont participé aux actions contre les régimes des frontières, auxquelles une police des frontières hautement mécanisée et la disposition de dénonciations de grandes parties de la population se combinent dans une chasse humaine des personnes appelées immigrés illégaux ou illégales et parfois mortelles. Donc un autre accent était des actions contre des structures régionales néo-nazies. Donc, c'était aussi pour lutter contre les structures néo-nazies, fascistes et tout ça. Et en 99, ce projet donc continue à Zittau, dans la région des Trois Pays. Et dans l'année 2000, un camp a été organisé à Forst, près de Cottbus. L'année passée, les camps quittaient les frontières externes orientales pour la première fois et assiégeaient l'aéroport allemand de déportation numéro 1 à Francfort. De plus en plus, d'ailleurs, le camp était organisé et porté par des personnes de spectres différents, telles que des auto-organisations de réfugiés et partiellement par des activistes polonais. Voilà. Donc, et là, en fait, le papier que j'ai lu, c'est parce qu'il y a eu un camp qui a été organisé entre le Nobarderkampf, entre le 19 et 28 juillet. Enfin, c'était un camp. En fait, il y a eu un camp à Thuringe d'abord, enfin, une espèce de. Oui, c'est ça. C'est le cinquième camp des frontières antiracistes qui aura lieu à Jena, près de à Thuringe, dans le land de Thuringe. Et donc pendant une semaine, il y aura donc tout ce camp qui aura lieu. Et à la suite de ça, à la fin de ce camp, il y aura un convoi et une caravane de Jena à Strasbourg, parce que là il y a eu un camp à Strasbourg, du 19 au 28 juillet, un camp international de réseau européen. No Border aura lieu à Strasbourg, qui vise à un régime de frontières européen en train de s'uniformiser avec son système d'information Schengen, dont le siège se trouve à Strasbourg. Voilà. Et puis après, le Summer Camp, qui probablement du 3 au 11 août près de Cottbus. Jusqu'à présent, il y a un accent sur des sujets comme genre, sexe culturel, etc., migration, travail, prostitution de frontières, travail sexuel et biotechnologie. Land Insicht Tag, à Hambourg, il y aura un camp du 18 août qui se consacre au thème de sécurité interne, populisme de droite, formation autoritaire et liée à cela, structure raciste et sexiste. Et il y a un tour de caravane 2002 sous le titre « Asile est un droit de l'homme » et « Nous sommes ici parce que vous détruisez nos pays ». Il y aura encore donc une caravane pour les droits des réfugiés et migrants et migrantes qui commencera le 17 août en 2002 toujours. Avec des actions de centre-ville à Oldenburg. D'autres stations seront en outre Bramsche et Brême et Hambourg. Voilà. Ouais. Ça, c'est en tout cas, il y a eu plein de camps, plein d'initiatives un peu partout. Enfin, moi, je suivais ça un peu de loin à cette époque à travers un réseau d'anarchistes de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale. Parce qu'il y a aussi des camps en Pologne, tu vois, dans la forêt, près de la Biélorussie et tout ça. Et puis il y a eu plusieurs générations aussi, parce qu'il y a eu, des disputes ici et de ça. Mais à chaque fois, en fait, la nébuleuse No Border, en fait, a continué, s'est transformée, a été repris par d'autres. Et puis, à un moment, c'est arrivé près de chez nous. Oui, tout un coup. Mais avant qu'on commence avec cette époque. Mais je me souviens quand il y a eu le camp No Border au début, quand t'es arrivé au local anarchiste, là, parce qu'on avait encore le local, je crois. Le centre libertaire. Du centre libertaire à cette époque-là, non? Oui. En 2010 hein. En 2009. Non, on n'avait plus. On n'avait plus? Non. Mais non, comment non. Ça se fait? Alors, comment on a. Je crois. Ah, je croyais. En fait, toujours est-il que tu es arrivé super motivé en disant on va avoir un camp No Border à Bruxelles et tout. Mais avant c'était Calais. Et puis avant il y en a encore plus, oui. Eu plein d'autres. Mais moi, pour moi personnellement, ça a commencé à Calais, ouais. Puisque c'était pas loin de chez nous. Ouais, voilà. Mais on va quand même laisser entendre d'abord une petite musique qui vient de Lesbos, parce que aussi en 99 apparemment déjà il y avait déjà un camp à Lesbos aussi. Non, c'était en 2009 aussi. En 2009. 2009 avec Alain, il y avait encore Lesbos, désolé. Ouais. Mais voilà, pour faire plaisir à nos amis qui sont été à Lesbos, j'ai repris le morceau de musique qu'ils ont emmené de Lesbos. Magnifique. Pour leur ami qui avait son anniversaire la dernière fois. Voilà, ça continue. Hein. Ouvrez les frontières. Open the borders. La lutte oui. n'est pas finie. Non. Loin de là, malheureusement. Bon, ceci dit, je raconte un peu comment c'est arrivé ici. Ben voilà. Donc, à un moment, il y a Calais. Et donc, il y a notamment des Anglais et d'autres qui sont dans le mouvement No Border et qui sont conscients de ce qui se passe à Calais. Donc ça veut dire que depuis la fin des années 90, il y a des migrants qui arrivent à Calais, qui sont au début accueillis par la Croix-Rouge, il y a un hangar qui est mis à disposition, etc. Et puis avec Sarkozy, ça s'arrête bien sûr, mais Sarkozy qui était à ce moment ministre de l'Intérieur en France. Calais, c'est aussi une petite ville. Il y a des militants de gauche, un peu de toutes sortes, mais il n'y en a pas tellement, et qui se sont dit, ben, il faut quand même faire quelque chose, et peut-être qu'il faut quitter les frontières, parce que beaucoup de camps no-borders, début des années 2000, étaient organisés près des frontières de l'Union européenne. Mais les frontières se trouvent aussi à l'intérieur de l'Union européenne. Et il y a vraiment des points très importants, comme Calais. Et donc, des gens se sont rencontrés avec des militants français, etc., pour essayer de soutenir une initiative pour un camp no border à Calais. Et il y a eu un appel un peu international pour un soutien. Et c'est comme ça que moi, je suis arrivé à Calais, en fait, puisqu'il y avait un appel pour organiser un camp no border. Et donc, j'ai participé à ça. Là, de nouveau, enfin, il y a des gens qui viennent de toute l'Europe, et d'ailleurs aussi. C'était très difficile à ce moment-là. Il y avait plusieurs jungles, comme on appelle ça, donc des camps de fortune, des migrants et des squats, qui étaient fort réprimés. Et il y avait un très grand camp des Afghans à Calais. Il y avait 800 personnes, 900 personnes qui habitaient là-bas et qui étaient menacées d'expulsion. Donc, au mois de juin, il y a le camp no border à Calais, et puis c'était annoncé que les squats ou les camps de fortune des migrants allaient être expulsés. Et les personnes qui sont restées, enfin, les personnes qui ont fait le camp ont décidé d'organiser une présence en permanence sur Calais pour lutter contre ça. Bien sûr, il y avait pas mal de Belges qui sont passés pendant le camp, qui passaient souvent pour soutenir la locale No Border à Calais, disons. Et là est née l'idée, en fait, d'organiser un camp à Bruxelles, hein, Bruxelles donc qui est la capitale de l'Europe, enfin de l'Union européenne en tout cas. Et donc il fallait amener la lutte jusqu'ici. Et voilà, on a commencé. Il y a pas mal de gens qui connaissent cette histoire-là. Donc en 2009, c'était le camp à Calais. Et puis en 2010, en septembre-octobre 2010, on a eu le camp No Border à Bruxelles. Bon, à ce moment-là, Tranche d'Anard, bien sûr, comme on est sur le front souvent. Il a commencé son émission. Voilà, en CMI, on a voulu organiser une radio No Border. On s'est adressé à Radio Panique, bien sûr, qui sont des alliés depuis longtemps. Et puis, de fur et à mesure, il y a d'autres radios qui se sont rajoutées. Il y a eu Radio Zinzine de Longomaille, il y a eu Radio Patapou d'Amsterdam, il y a eu Radio Centrale d'Anvers, il y a eu Radio Dreieckland de Freiburg en Allemagne. Et on a déjà fait des émissions avant le camp. Et puis pendant le camp, on a essayé de s'installer sur le site du camp, à Tour et Taxi, ensemble avec Indymedia Bruxelles, qui avait organisé un... comme une sorte de salle d'ordinateur où les gens pouvaient aller sur Internet, ou des vidéastes, des gens qui font la radio, qui écrivent, pouvaient faire leur truc. Et donc là, on était bien présents. Et là, dernièrement, on a un peu cherché dans les archives. J'ai été très ému, en fait, de réécouter des morceaux de radio de l'époque. Et j'ai fait... Mais, un peu à l'improviste, j'ai fait un petit montage avec des morceaux du camp no border à Bruxelles en 2010. Je vais juste vous expliquer un peu. Donc ça commence avec le jingle qui avait été fait par notre ami Lane de Radio Centrale. Donc le camp commençait avec une action au centre fermé, le 127 bis à Steno-Creuzel. Donc il y a un petit morceau sur cette manifestation le dimanche. Puis dans la semaine, il y a eu plein d'actions, mais les grands moments ont été, par exemple, le mercredi, où il y avait une manifestation syndicale contre le sommet européen qui s'est déroulé à ce moment-là, ici à Bruxelles, qui a été très fort réprimé, avec des centaines de gens qui ont été arrêtés. Enfin, ça a été hyper violent. Donc là, vous allez entendre un jeune pensionné qui manifestent avec les syndicats et qui racontent ce qu'il a vu de violence policière et la réaction des snowboarders. Puis il y aura un morceau de Lydia de Radio Panique qui raconte un peu l'atmosphère au camp snowboarder. Donc ce mercredi, après cette manifestation, il y aura un petit morceau des clowns qui était très très présent à ce moment-là au camp snowboarder, qui se fout de la gueule des flics et tout le bazar. Il y aura aussi un petit morceau d'un journal télévisé de la RTL qui parle du dernier jour du camp où il y avait une manifestation propre au camp snowboarder, mais qui se voulait unitaire. Et puis voilà, vous allez bien écouter. C'est assez marrant de réécouter tout ça. Mais peut-être pour juste dire les dates, parce que le camp snowboarder a eu lieu le 24 septembre, ça a commencé le 24 septembre 2010, jusque le 2 octobre. Voilà, donc c'était toute une semaine tout complet. Et donc exactement avec le dimanche, le 26, la manifestation contre les centres fermés à Steyr-en-Ukraine. Et alors le mercredi, le 29, c'était la grande action de masse contre le sommet Ecofin de Bruxelles. Et le samedi 2 octobre, il y avait en clôture encore une grande manifestation No Border No Nations dans les rues de Bruxelles. Et aussi vendredi, la veille, il y a eu une manif qui a aussi mal passé. Mais il y a eu d'autres actions qui ont été bien réussies aussi. Voilà, c'était pas que les répressions. Mais je sais pas s'il y a un moyen, mais pour juste dédier quand même quelque chose à Calais, j'avais un petit morceau de musique des Afghans de Calais qui chantent sur Calais. Ah, ça c'est chouette. Voilà, pour juste avant le compil, s'il y a moyen de mettre Afghan Calais. My brothers and sisters in Calais, from Eritrea, Sudan, Bahrain, Afghanistan, Europe, all over the world. Marhabik fi Calais, marhabik Africa house. Salam alaikum, alaikum salam. Bila bila caravan, in a Ramadan. Drove to Dover, took a boat to Calais. No border movement, people in my brain. Welcome in the jungles and the squats and the slums. Afghan Pashtun, Hazar Kurdistan. Ethiopia, Eritrea, Nigeria, Sudan. Beautiful people. Call me legal. Police brutality is a reality. It's insanity. Where them humanity? Seekers of asylum, beaten, treating violence. Terrorize migrants, harass them, show them kindness. Respect activists, work hard and take risks. Good food and good music put me in the mood to spit. This that combat wombat, Project Wildcat, boom track, revolution rap. You can find me on that. But justice, no peace, it's to stop the police. But justice, no peace. Stop the police, no justice, no peace. Stop the police. Spend my whole life in the game battling to tame. My raging is the machine taking over my brain. Traveling across Europe from Greece to Italy, ending up in Calais cause we want to be free. I see a new life waiting for me. Across the water border is where I want to be. But today in Calais it's a beautiful day. Should I stay or go away? It's a beautiful day in Adi Calais. When the police come I have to run away. Should I stay or go away? Escape from Calais. Should I stay or go away? Escape from Calais. Should I stay or go away? Escape from Calais. Should I stay or go away? Escape from Calais. No justice, no peace, stop the police. No justice, no peace, stop your police. No justice, no peace, stop your police. No justice, no peace, stop your police. No justice, no peace, it's stop the police. No justice, no peace, it's stop the police. No justice, no peace, stop the police. No justice, no peace, stop the police. Protection! culture of amnesia? How do you get people to create their culture? Well, you pull away all sorts of memory and see what happens, which is kind of what has occurred with this late 20th century generation. Join the No Border Camp in Brussels. 7 days of action, information, movies, debates on migration and migration policy from the 25th of September till the 3rd of October 2010. Check our website www.noborderbxl.eu.org. Pourquoi prêter de mauvaises intentions au corps policier, digne et ultime représentant de l'État, bras armé de sa pensée qui à l'unisson a brandi comme un seul homme son crâne rasé, bravant courageusement les intempéries dimanche après-midi devant le centre de rétention de Stenokersen. Certains se sont insurgés, voire ont ironisé sur le ridicule et affligeant déploiement de force dimanche après-midi. Ces pauvres policiers qui font d'heureuses heures supplémentaires en dehors de leur contrée, un hélicoptère, de la matraque en veux-tu en voilà, des boucliers, la police montée et remontée à bloc contre des cyclistes et des êtres humains solidaires qu'ils ont pris pour des black blocs, et nous n'avons rien contre les black blocs, qui savent se montrer solidaires. Non, non et non. Pas de mauvaises intentions. Si les manifestants pacifistes de Stenokersel ont été accueillis avec des canons à eau, c'est bien évidemment parce que la flicaille se préoccupait des conditions d'accueil et d'hygiène mises en place au camp No Border, à Tour et Taxi. Ils ont donc gentiment imaginé un dispositif permettant de donner à chaque militant sa petite douche, sans pression, cool et relax. Alors mon petit gendarme, c'est avec plaisir que je vous laisserai me passer un savon. Mais si cette douce initiative est à saluer et à réitérer, tout en pensant la prochaine fois aux serviettes de bain, sachez amis que policiers que des perspectives d'amélioration sont possibles, tant en termes de convivialité que d'économie, voilà dans tous les domaines. En effet, si nous avons très apprécié le rôle d'accueil et de steward que s'est donné la police en attendant les manifestants dimanche sur les quais de la gare du Nord, afin de les accompagner jusqu'au lieu de la manifestation, le centre de rétention du 127 bis, pourquoi ne pas penser directement au covoiturage? En effet, c'est au volant de leur fabuleuse et luxueuse estafette, où ils croupissent parfois des journées entières en attendant qu'on égaye leur quotidien, dans l'espoir parfois vain de pouvoir taper quelqu'un d'autre que leur concubin, oui, c'est donc au volant de leur poulailler que la maréchaussée pourrait envisager la prochaine fois de passer nous prendre directement au camp No Border. Et on fraternisera dans les voitures en écoutant Radio No Border. Allez, solidarité avec les policiers, travaillons main dans la main, militants et militaires, au bon déroulement de nos rencontres, grâce au site www.covoiturageindépendant.org. Allez, la prochaine fois, comment organiser une rencontre nudiste avec les policiers sans les forcer à se délester de leurs boucliers? Monsieur, vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? C'est pour une radio française. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe pour une radio française? Il y avait les mondialistes qui étaient juste devant moi. Les mondialistes, c'est qui ça? C'est les gens qui sont tout en noir. Ouais. Et ils étaient juste devant nous. Ouais. Et alors, il y a les flics qui sont arrivés, ils ont pris la matraque, ils ont commencé à frapper. Et c'est normal qu'ils rendent le coup. C'est pas des catholiques qui ont ramassé le type et on rentre de l'autre côté. Il a répliqué, et c'est normal. C'est juste des sales fachos. Ouais. Qui ça, sont des sales fachos? Mais les flics, c'est des fachos. Ouais. Et vous êtes d'une organisation? Non, je suis pas de l'organisation, je viens pour la première fois à une manifestation. Et pourquoi vous êtes venu manifester? Parce que, par solidarité, je n'ai rien à faire d'autre, je travaille pas pour le moment. Parce que j'ai 64 ans. Et vous savez ce que réclame cette manifestation? Vous êtes venu réclamer quoi, vous? Moi, ben pour la solidarité, parce que ma pension, vous savez combien je vais toucher? J'ai 48 ans de travail, hein. Je vais toucher 850 euros. Et qu'est-ce que je fais, moi, avec ça? Et j'ai travaillé pendant 48 ans. Ok, hein, bah vous avez raison de venir manifester. Et c'est quoi votre prénom? Moi, c'est Vito. Thomas, vous pouvez le marquer, vous pouvez le dire, Thomas. Ok. Je les emmerde, les flics. Merci, Victor. Vous aurez beau nous séparer, nous ne cesserons de vivre ensemble. Au soir de la manifestation du 29 septembre, l'ambiance au camp No Border de Bruxelles. En réponse aux arrestations, le son de l'accordéon. c'est bon. Là je filme. Est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Nous aimons la police. Que nos blessés sont les amis. Ouais. Bah oui. Tous. Assume. Bah, c'est des humains comme nous. C'est les gens sous l'uniforme qu'on aime bien. La fonction, c'est un autre chose. Bah des fois il en faut. Hein. Moi je suis pas pour l'anarchie personnellement, mais. Bon, l'anarchie tant qu'elle est sous contrôle. Quoi? L'anarchie tant qu'elle est sous contrôle. Sous contrôle des clowns. Moi je suis pour l'anarchie. L'anarchie sous contrôle des clowns. Allez. Ok, merci. Ah oui c'est vrai. Insultant, viens ici. Plaisir, hein, c'est bien d'avoir des comme vous. Merci. Merci beaucoup. Je suis content de payer les impôts. A plus. Pour voir votre travail. Les autres, je sais pas. Hein, le petit jeune qui tire la gueule depuis le début. Apprenez un peu au petit jeune ce que c'est la vie. Parce il vit mal son adolescence, je le vois. Après, canal, il a diminué à droite. Depuis une semaine à Bruxelles s'est installé le camp No Border. Il s'agit d'un lieu de rencontre qui réunit de nombreux activistes européens. Ils mènent un combat au quotidien, la lutte contre l'expulsion des sans-papiers et contre la fermeture des frontières en Europe. Sébastien Rosenfeld, Laszlo Bottiglieri. Depuis une semaine, des activistes campent sur le site de Tour et Taxi à Bruxelles. L'objectif est de se rassembler autour de thématiques communes, essentiellement la lutte contre la politique d'immigration en Europe. Débats, projections de films et actions plus ou moins concertées. Le lieu est un espace volontairement libre, mais discret lorsqu'il s'agit d'inviter les caméras. On fonctionne par barrio, donc des quartiers, des groupes affinitaires. C'est entièrement autogéré. On a une assemblée générale tous les matins où on prend des décisions sur le fonctionnement du camp et où on prépare aussi toutes les activités qui sont prévues pendant toute cette semaine. Ce mode de fonctionnement implique une grande responsabilisation de tous les acteurs. Chacun s'exprime à sa façon. Le travail de réflexion est collectif, mais certains groupes peuvent agir individuellement sans en référer à une quelconque hiérarchie. Les arrestations préventives de mercredi par la police sont très mal perçues ici. C'est une première en Belgique où, parce que quelqu'un ne correspond pas ou n'a pas la bonne apparence, il suffit d'avoir un blouson de cuir noir pour se faire arrêter préventivement. C'est extrêmement grave. La manifestation d'aujourd'hui est la seule véritable action concertée du camp. Elle est autorisée. Maintenant, des groupes affinitaires ont choisi de faire des actions par eux-mêmes pendant la semaine. Et maintenant, il faut se poser la question de où commence la violence ou pas. C'est à chaque groupe de le définir. Nous, en tout cas, on respecte les méthodes de chacun. Les organisateurs promettent un défilé coloré et ouvert avec des sans-papiers et des militants de tous bords. Ils appellent à une ouverture totale des frontières en Europe aux immigrés économiques et climatiques. Un dernier acte avant de plier le camp. Direction le parc Maximilien à Bruxelles où nous attend Sébastien Rosenfeld. Sébastien, une manifestation de ce mouvement vient tout juste de débuter. Effectivement, je suis entouré d'un certain nombre de militants autour de moi. Comme vous le voyez, ils sont presque 100 à 200 personnes. Un défilé très coloré qui est juste à côté de l'Office des étrangers, un lieu symbolique pour eux. Puisque, comme vous le voyez, ils demandent effectivement une nouvelle politique d'immigration en Europe. Ils considèrent que l'Europe est pour aujourd'hui une forteresse et qu'il n'y a pas assez d'ouverture pour les immigrés économiques et climatiques. Alors, une grande manifestation colorée qui va partir d'ici et qui va aller jusqu'à la Bourse pour revenir au parc ici Maximilien pour une grande fête avec un certain nombre de clowns, une soirée et une manifestation qui s'annonce pacifique. En tout cas, un certain nombre de policiers sont autour, mais pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Et comme vous le voyez, c'est très coloré. Mais pacifique et festive. Merci Sébastien Rosenfeld. Dans le reste de l'actualité. Ben voilà, si ça donne envie pour aller participer à des camps No Border, ils existent encore. Voilà, il y aura bientôt cet été un camp No Border Belgique-Pays-Bas qui, pour des raisons de sécurité, n'annonce pas où ça aura lieu. Mais donc, voilà, les camps No Border continuent et donc il y a moyen de vous adresser. Ils ont un site no-border.nl ou envoyer un mail nbc2019@no-border.nl pour recevoir des formations à jour. Voilà, et donc c'est lutte contre le racisme, le laxisme, le patriarcat, pour la décolonisation, pour le climat, pour les droits de LGBTQ, contre le militarisme anticarcéral, pour les droits des sans-papiers et pour la liberté de circulation et d'installation. Toutes se rejoignent, venez tisser des liens. Voilà, donc, et À côté de ça, parce que ça aura lieu quand même, les dates sont connues, de 1er à 4 août 2019. Ils ont déjà annoncé un petit peu que c'est dans le sud de Pays-Bas. Avant ça, en juillet, ça commence l'arrivée le 9 juillet et ça termine le 14 juillet. Il y a aussi un camp 30 Norbörder, donc ça veut dire Norbörder, c'est transfrontalière. Et donc, ça parle plutôt quand même, je pense, si j'ai bien compris, sur la Méditerranée et toutes les actions qui ont lieu dans cette zone-là. Ouais. En Italie ? Non, ça, c'est à Notre-Dame-des-Landes, ah, oui. À la ZAD, près de Nantes. Et ça, c'est de 10 à 13. Si ça vous intéresse, il y a des gens de là-bas qui viennent ce week-end en parler le samedi le 25 mai à Allée du Caille. Okay. Ça donne envie de faire naître la radio No Border, en fait. Ah bah oui. Ouais. Qui okay. se manifeste? Il y a encore plein de choses à dire sur No Border, mais ah, oui, on va finir là. S'il y a vraiment des gens, parce que j'ai reçu quelques messages, pour quand même, si vous trouvez une salle qui sera prête toujours pour accueillir la soirée No Border, il faut téléphoner au numéro 0484 02 67 81. C'est le numéro de Getting the Voice Out. Et voilà, vraiment, parce qu'on a toujours... Allez, ils sont toujours à la recherche d'une salle. Ok, bah, on espère hein, en tout cas que ça vous trouverez quelque oui, chose. Parce qu'apparemment, selon Facebook, il y avait 700 personnes intéressées. Ah oui, quand même. Non. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Non. Mais sinon, tu vois, s'il n'y a pas de salle, je pense qu'il y a un gros manifestation à Barlog. Ou chez le commissariat de police qui a okay. fermé le Barlog. Voilà. À voir. Ouais. Voilà, c'était l'émission pour cette semaine. Donc, je suis sûr qu'on va encore revenir souvent sur les différentes cono border, etc. Tout ce qui va se passer cet été. C'est dommage que le chien n'ait pas pour aller pisser, parce que moi, j'ai vraiment un bon endroit. Mais tu vas faire le pisser alors. Ouais, au commissariat de police qui a fermé le Barlog. Ah oui. Ouais, ok. Voilà. Ouais. Bon, c'est Axel qui nous entend. Ouais, en tout cas, il va venir la semaine prochaine si tout va bien. Ah voilà. Ah. non, voilà, on termine. Donc vous aurez la discothèque d'un anarchiste ordinaire avec le chien dans toute sa gloire, quoi. Oui. J'espère qu'il sera dans toute sa gloire. Ouais, c'est son émission. Voilà. Bah, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Salut. Vous êtes à l'écoute de... De Transjonal. De Transjonal. De Transjonal.